Bienvenue dans mon nord, sous la pluie torrentielle. On est tous des sales gosses aux problèmes financiers. Financés par la rue, le béton et ses drames. Héritiers des soucis, des tombes et des draps. Pour s'en sortir, faut peut-être un calibre. Pas faire le caniche d'un état qui salit. Salit comme un pull que je mets en machine. Sarko, prépare-toi, mon équipe est massive. Je m'assis et je crie le Seigneur. En bas c'est l'horreur, beaucoup d'hommes se saignent. Les infos nous annoncent un séisme sur nos joues. Car nos cœurs se fissurent et on pleure chaque jour. Nos mères portent un sac de soucis et de peines, craignant leurs enfants car eux seuls le crime paient. Payés par le vol, le business et le trafic. Nos rangs se situent dans les voyoucraties. Je suis né dans le terrain de famille, RMIS, l'univers, du ciment et de la forme. Je réside dans le système, un milieu de galère. Immatriculé dans le pas de Calais. Je suis né dans le terrain de famille, RMIS, l'univers, du ciment et de la forme. Je réside dans le système, un milieu de galère. Immatriculé dans le pas de Calais. Des refrains se retrouvent en prison chaque année. Un pic et de l'inspire, je parle d'eux dans le carnet. La famille c'est précieux, faut pas y toucher. Prenez ma carrière si je meurs étouffé. Étouffé par l'odeur de la crasse et la biche, de la poisse et la brique. Mais les gosses à la brique, les médias satisfaits de mes frères à la barre, je les encule. Donc pour eux je suis l'homme à abattre, abattu par la crise. Au niveau familial on devient marginal, pour certains inimaginable. C'est la guerre, les petits veulent leur part. À chaque casse au commerce, les logis veulent qu'on part. Je combats ce système avec mon sang-froid. Les huissiers veulent saisir mais je les baisse de 100 fois. La foi j'en ai pas avec ces personnes. Braquez ces tabacs et prenez leur pesos. Je suis né dans le terrain de famille, RMIS, l'univers, du ciment et de la forme. Je réside, dans le système, un milieu de galère. Immatriculé dans le pas de Calais. Je suis né dans le terrain de famille, RMIS, l'univers, du ciment et de la forme. Je réside, dans le système, un milieu de galère. Immatriculé dans le pas de Calais. Je suis né dans le terrain de famille, RMIS, l'univers, du ciment et de la forme. Je réside, dans le système, un milieu de galère. Immatriculé dans le pas de Calais. Je suis né dans le terrain de famille, RMIS, l'univers, du ciment et de la forme. Je réside, dans le système, un milieu de galère. Immatriculé dans le pas de Calais. Ouais. Dédicace. Boulogne, Calais, Arras, Salomine, Lens, Béthune, Avion, toutes les villes de France. Y'a tous les ghettos, tous les quartiers chauds, tous mes frères en zone. C'est ça, ouais. Tous mes frères partis au ciel. Ok. Pour tous ceux qui sont en chien, les gars, j'ai.